les Vosges, samedi. Ça lui dit à Hélène Ingré, qui vous livre ses bons plans vosgiens. Ça vous dira aussi à vous, auditeurs des Vosges, samedi, le samedi sur Radio Caraïbes Nancy, 90.7 FM, sur les Grands Nancy, et de 13h à 13h30, et lors de la rediffusion, le dimanche à 6h. Et sur Radio Gemozo, le samedi à 8h30, au 107 FM sur les Grands Remiremont. Bonjour auditrices et auditeurs des Vosges samedi, donc première diffusion de cette émission le 30 mars 2019. C'est toujours la date de cette première diffusion que vous pouvez retrouver notre émission en podcast et rediffusion le 6 avril parce que le lendemain, le 7 avril, il se passe un événement majeur sur les Hautes-Vosges et plus particulièrement à Gérard, mais la fête des Jonquilles, la 49e fête des Jonquilles, et c'est sa responsable, cette clé de voûte qui va pouvoir nous en parler. Bonjour Madame Nicole Curti. Bonjour. Bonjour. Alors, derrière vous, je sais qu'il y a des centaines et des centaines de bénévoles, mais vous êtes un peu là. Il y a du monde. Il y a du monde, y compris des races moquettes, pour des races pâquerettes, des races jonquilles, pour que les cueillir ces milliers et milliers de jonquilles. Oui, c'est sûr. Là, pour les cueillir, il nous faut des centaines et des centaines de petites mains. Et ça commencera juste 3 jours avant la fête. Juste 3 jours avant la fête. Alors, c'est déjà le compte à rebours. Mais enfin, le compte à rebours, il commence quasiment un an avant la fête des Jonquilles, en fait. Pour nous, oui. Oui, c'est vrai que c'est presque un an. C'est une grosse année de préparation. Ça se fait pas en 5 minutes. Il y a énormément de choses à prévoir et à régler. Et bon, là, on est un petit peu dans les starting blocks hein, maintenant. Alors justement, pour nos auditeurs, eux, ils vont juste pouvoir déguster un peu la crème fouettée, la cerise sur le gâteau de tous ces préparatifs. Alors, d'une façon succincte, bien sûr, il y a tellement de choses pendant ces journées des fêtes des Jonquilles. Et pour des auditeurs qui ne connaîtraient pas la fête des Jonquilles, est-ce que vous pouvez nous présenter les grands moments justement de cette édition, 49e édition? Oui, des grands moments, des temps forts, il y en a plusieurs. Il y en a un qui vient de se passer, c'était le grand bal de l'élection de la reine des Jonquilles, donc qui a été élue il y a quelques jours. Ensuite, tous les constructeurs sont en plein préparatif et construction de leurs chars. Et évidemment, ces chars, il va falloir les piquer de milliers de Jonquilles. Et pour ça, c'est clair qu'ils ont besoin de monde pour les aider. Et c'est ce qu'on appellera, donc nous, pour nous, le samedi, donc la journée et la nuit du piquage. Alors nous reviendrons sur ce temps fort de la nuit du piquage. Et ensuite, quand ces jonquilles, ces chars sont parés de, pas uniquement de jonquilles d'ailleurs, il y a du jaune, mais il y a aussi du vert. Oui, tout à fait. Mais enfin, c'est quand même toujours que des produits naturels. Donc les constructeurs rajoutent des lichens, des feuilles, des mousses, donc de différents tons. Et c'est vrai que c'est vraiment une symphonie jaune et vert pour le corso. Alors justement, pour les personnes qui voudraient voir ce corso, comment ça se passe concrètement le dimanche, donc 7 avril? Donc le dimanche, à partir de 9-10 heures, les chars sont déjà exposés sur le circuit, puisque c'est un circuit en boucle hein, qui est fermé à peu près de kilomètre 3, de kilomètre 4. Donc tout le monde peut déjà venir admirer les chars. Évidemment, il n'y a pas les animations encore, puisque les animations les rejoindront pour le défilé lui-même. Il y a de quoi voir déjà tous les sujets fixes qui seront exposés en ville, les vitrines qui seront décorées. C'est vrai que toujours armé, et ce jour-là, jaune et vert. Et ensuite, alors, la fête proprement dite commence à partir de quelle heure? Alors, le corso lui-même commence à 14h30. Hein. Mais je vous conseille fortement, et je conseille fortement à tous les auditeurs de venir le plus tôt possible. Évidemment, des parkings sont prévus, les gens seront orientés, mais plus on arrive tôt et plus ce sera facile, et plus on en profitera. Oui, parce que accessoirement, notamment pour ceux qui viennent avec des quatre roues, combien vous estimez à peu près à la louche combien de milliers de visiteurs à cette fête des Jonquilles habituellement? On compte entre, ça dépend de la météo bien évidemment, mais on compte souvent en général entre 50 et 60 000 personnes qui affluent sur Gérard Armé ce jour-ci. Donc mieux vaut prendre des marges avant et après, avant pour découvrir la ville et ses environs, et après pour redécouvrir la ville et ses environs, si on ne veut pas être un peu coincé dans les embouteillages. Hein. C'est un très très sage conseil, tout à fait, bien sûr. Alors, ce corso, bien sûr, beaucoup d'heures gratuites de bénévoles, mais tout n'est pas gratuit. Et il y a donc un droit d'entrée. Comment ça se passe? Oui, et oui, puis c'est le sûr tarif. Que le Fête des Jonquilles est un très, très gros budget. Donc, il y a un droit d'entrée. Donc, la ville étant fermée dès 7h du matin, il y aura ce qu'on appelle, nous, des barrages avec des caisses à chaque carrefour. Et le droit d'entrée donc est à 15 € et c'est gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Moins de 10 ans. Et puis pour les personnes qui auraient des genoux un peu fatigués et qui voudraient s'asseoir, il y a des modalités qui sont prévues? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de places en tribune et en banc. Enfin, il faut savoir qu'aujourd'hui, ça devient presque rare parce que c'est presque tout réservé. Mmh. Mais vous pourrez encore trouver quelques places, évidemment, en appelant directement au secrétariat de la Société des Fêtes. Et puis, on peut toujours venir avec son petit pliant ou avec son sac à dos qui se déplie et qui fait tout siège. Tout à fait, bien sûr. Ça, c'est les pêcheurs, ils connaissent. Oui. Alors, oui. Justement, un temps fort, moi qui me tient à cœur, parce que je ne l'ai pas encore testé, mais peut-être que cette année, je vais essayer d'y m'y rendre, parce que ça doit être à découvrir, comme la fête des Jonquilles, quand on ne l'a jamais vue. Alors, la nuit du piquage. Ah oui, ça c'est vraiment quelque chose, quand on peut, qu'il faut faire. Beaucoup de monde arrive déjà le samedi et ils sont orientés sur les sites de piquage, donc qui sont très bien indiqués en ville. Et là, il y a vraiment une ambiance formidable. Les constructeurs, bon, évidemment, sont sur les échafaudages à piquer les milliers, les millions de jonquilles nécessaires pour que ça soit encore plus beau le lendemain. Et toutes les petites mains sont vraiment nécessaires, indispensables et bienvenues. Pour les encourager, on a déjà des unions musicales et des groupes musicaux qui sont là pour mettre l'ambiance puis donner du cœur à l'ouvrage, parce que c'est long. C'est pas fatigant, mais c'est long. Et c'est vrai que voilà, il y a vraiment une ambiance à ce niveau-là qui faut vivre. Voilà, et puis on sustente aussi ces bonnes volontés, hein, c'est-à-dire il y a du à boire et du à manger avec modération, il y a tout bien entendu. Faut, il y a pas de soucis, bien sûr. Voilà. Et donc en fait, pour toute personne qui le souhaite, il se dirige, il n'y a pas besoin de préinscription ou quoi que ce soit. Ah, pour le samedi, absolument pas. Non, c'est totalement ouvert à tout le monde. Il n'y a pas, au contraire, tous les gens arrivent, sont les bienvenus. Non, il y a vraiment. C'est un accueil sans problème pour tous ceux qui viendront aider les constructeurs. Alors ensuite, le jour du Corso Fleuri, il y a bien sûr tous ces chars. Alors maintenant, à l'heure où nous enregistrons, je pense que le nombre de chars est définitivement arrêté. Oui, cette année, nous aurons donc 31 chars, à peu près 19 unions musicales, hein, ce qui seront, je vous dis, le corso est rempli sur les 2 km 3, 4, ça dépend de... Voilà. Et donc, ils sont définitivement arrêtés et on sait lesquels on aura. Et donc, il y a également un concours entre les chars, par rapport aux différentes catégories de chars, parce que ça va du petit char au char presque... Oui, bien sûr, il y a les gros chars, les moyens, les petits, tous d'ailleurs sont magnifiques. Mais il y a quand même malgré tout un jury qui a été réparti sur tout le corso et qui jugera ces chars. Alors, ils sont jugés évidemment sur la qualité et la façon dont ils sont faits en amont, puisque déjà depuis plusieurs semaines, ce jury rend visite au constructeur pour voir comment est fabriqué le char, c'est-à-dire les soudures, ce qu'on ne verra pas en fait, hein, vraiment la carcasse. Ah oui, il ne faut pas que ça s'envole. Comment ? Il ne faut pas que ça s'envole. Non, mais non, faut que ça tienne, c'est sûr. Donc ensuite, vous avez dans la notation, l'animation, parce qu'on demande aux chars d'animer, aux constructeurs d'animer également autour de leur char, mais ils font ça très bien, ça met une très belle ambiance aussi. Et puis, bon, le coup d'œil, quoi, le plaisir et quand on s'en met plein les yeux à chaque char qui passe. Alors, le coup d'œil, l'humour, le clin d'œil aussi, chacun décline à sa façon. Alors, les constructeurs, est-ce que vous pouvez nous présenter, enfin, disons, un peu les différentes catégories de constructeurs, parce qu'il y a des institutionnels, en quelque sorte, des privés. Comment ça se passe au niveau des constructeurs? Disons qu'en général, c'est des bandes de copains regroupés en association ou en individuel, hein, qui se lancent dans le défi, parce que c'est un défi, de refaire un char à chaque fois. Ils se lancent dans le projet, ils y passent des mois, puisque beaucoup de chars commencent déjà au mois d'octobre les constructions. Pour eux, c'est pas à temps plein, mais à temps plein les week-ends et leurs soirées. Disons que tout leur temps libre est souvent pris à ça, et ils sont formidables au niveau création. Eh bien, déjà, nous les en remercions, hein, et puis au nom de tous les auditeurs, et puis surtout, c'est la 49e fête des Jonquilles. La 50e, ce sera en 2021, hein, puisqu'effectivement, oui, c'est tous les deux ans qu'a lieu cette fête des, oui, Jonquilles. Ça sera vraiment les petits plats dans les grands, certainement, pour tout ce à 5 fait. Ans. Oui, c'est vrai. On a beaucoup en parle déjà, on y pense, c'est dans notre tête. La 50e, on espère vraiment faire quelque chose de formidable. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on est vraiment dans la finition de préparation de la 49e du 7 avril. Tout à fait. Et puis, surtout, eh bien, ça permettra donc, dans deux ans, de voir le cheminement, puisque cette première fête des Jonquilles, alors je l'ai lu sur votre site, d'ailleurs vous allez nous rappeler votre site qui est très bien fait d'ailleurs. Oui, écoutez, je ne le sais même pas par cœur. À la limite, en pied note. Excusez-moi. Non, mais en pied note, fête des Jonquilles. Moi, je ne savais pas, j'ai mis fête des Jonquilles, Gérard May. Voilà, vous retrouvez tout à fait. On retrouve tout. Oui, oui. Et donc, c'est là que j'ai appris qu'effectivement, la première fête était venue un peu fortuitement par une bande de copains dans les années 35, quoi. Voilà, donc 1935. Ça a commencé en 34. Justement, des copains sont partis emmenés en moto, ont vu toutes les jonquilles et les millions de jonquilles qu'il y avait dans les champs, ont eu envie de décorer leur moto, ils en ont mis un peu partout, garde-boue, guidon. Et quand ils sont revenus en ville, ça a plu. Et dans leur petite tête, le projet d'une fête des jonquilles est né. Et donc, 1935 a eu lieu la première fête des jonquilles. Eh bien, on en reparlera davantage dans deux ans, mais déjà, d'ores et déjà, 49e fête des Jonquilles le samedi 7 avril 2019 à Jarmé. Fête du piquage la veille, donc le samedi 6. Et à partir de quelle heure commence, et jusqu'à quelle heure à peu près? C'est jusqu'au bout de la nuit peut-être, la fête du piquage? Oui, un peu jusqu'au bout de la nuit, c'est vrai. Ça dépend de l'avancée du piquage, mais bon, ça dure quand même une partie de la nuit, c'est certain. Ah ben c'est fini, quitte. Hein. Il faut qu'à 7-8 heures, quand les chars... Tout doit être fait. Tout doit être, oui, fait quand ils se mettent en place pour la matinée. Fait. Merci beaucoup, Madame Curti. Donc, à bientôt à Gérard May, 49e avec fête. Plaisir. Et puis, merci à tous ceux qui sont derrière vous. Oui, tout à fait, ils sont là. Pour cette fête, merci encore. Cyril Renaud, également animateur justement sur une des deux radios associatives de cette émission Les Beaux Chamdis, à savoir Radio Guémosso. Alors Cyril Renaud, eh ben, il nous interprétait Fleur des Vosges, ben oui, la jonquille, c'est la Fleur des Vosges. Alors pas que des Vosges, hein. On en trouve, y compris à quelques centaines de mètres du cœur de Nancy, hein, en forêt de haies, on en trouve un peu, mais surtout, bien sûr, surtout sur les Vosges, c'est évident. Alors, cette fête, cette jonquille, je dirais qu'elle a une progression selon que l'on est à l'endroit ou à l'envers et en altitude. Alors, bien sûr, ça commence déjà à fleurir en bas de vallée et quand on est au soleil, mais au fur et à mesure qu'on monte en altitude et surtout en fonction du versant, si c'est le versant nord ou le versant sud, la floraison est beaucoup plus tardive. Alors, vous pouvez tout à fait en trouver à d'autres moments et dans des lieux, alors je dis fond de vallée, quand c'est exposé, quand c'est froid, ben bien sûr, la terre se réchauffe plus lentement, donc la floraison est plus tardive. Donc, selon vos pérégrinations, quel que soit le secteur des Hautes-Vosges, enfin, plutôt vallée, on va quand même dire, hein, plutôt vallée de la Haute-Moselotte et de la Meurthe, bien sûr de la Haute-Moselle aussi, mais c'est beaucoup moins, c'est vraiment sur le secteur de... pour aller vite, Gérardmer, la Bresse, mais en venant par exemple de Vanier et au-delà, en descendant sur Saint-Dié, qu'on en trouve le maximum. Et donc, vous pouvez tout à fait en trouver même des semaines et des semaines après cette fête des jonquilles du 7 avril 2019, parce que tout simplement, ben, la jonquille, elle fleurit à toute saison, jusque début mai, hein, en fonction donc de cette situation, d'une part altitude et d'autre part ensoleillement. Donc, si vous allez, bah, c'est un exemple, hein, c'est pour vous donner, parce qu'on peut y accéder avec les transports en commun, le train et bus qui s'arrête, le bus qui s'arrête à la Bresse, par exemple. Si vous allez vers la station de ski du Brabant, qui est au nord, eh bien, vous en trouverez très longtemps après les premières floraisons qui sont en face à l'endroit, donc au soleil. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous perdre dans ces petite vallée un peu transversale, beaucoup moins courue par les voitures, et là vous en trouvez. Alors toujours avec modération, c'est un principe, toujours avec modération, on cueille avec modération. Si vous voulez ramener un bouquet, eh bien il existe un système tout simple, vous prenez du papier journal, vous englobez bien, alors bien sûr on ne déterre pas l'oignon parce qu'il faut une terre acide et donc ne pensez pas à la replanter, mais des fois elle vivotera encore un ou deux ans, mais elle sera pas acclimatée, donc elle périra, donc c'est pas la peine. Mieux vaut retourner dans les Hautes-Vosges pour les voir aller en vrai, en nature, florissante. Donc, si on cueille une jonquille, on rassemble ce bouquet, par exemple, dans du papier journal qu'on humidifie bien, qu'on met dans un récipient avec un peu d'eau, et ça supporte sans problème le voyage, et surtout, ça tient très longtemps, puisque c'est des vrais, elles ont pas été boostées, hein, je ne sais quel produit chimique. Voilà pour quelques conseils sur la fête des jonquilles. Et puis, ben voilà, la fête des jonquilles, il faut l'avoir vue une fois dans sa vie, hein, bien sûr. Ces corsos, cette animation. Et cette nuit du piquage, ben peut-être l'avoir vécue aussi une fois dans sa vie. Si vous n'avez pas de Rolex, au moins vous n'aurez pas gâché ça votre vie si vous avez pu participer à une nuit du piquage. Non, c'était une plaisanterie. Alors, nous avions entendu Cyril Renaud. Dans cette émission Les Beaux Chamdis, vous savez que les illustrations musicales sont principalement, voire essentiellement, des artistes vosgiens. Sauf exception. Notre générique, d'ailleurs, Les Grandes Gueules, est interprété par Kéo Tribot. Kéo Tribot, c'est un groupe du secteur de Gérardmer. Et là, eh ben, je vous propose, et il va nous interpréter un medley vosgien. Alors, le medley, c'est MED'LAIT, vosgien. Kéo Tribot. Les les pauvres hommes ont bien du mal et les femmes trouvent ça normal qu'ils travaillent dès le matin jusqu'à se briser les reins. Et de retour à la maison, elles leur flanquent des coups de bâton. Et de retour à la maison, elles leur flanquent des coups de bâton. On ne trouve le temps pas long, surtout quand le vin est bon. Nos femmes sont à la maison, elles y mènent le carillon. Et nous qui sommes au cabaret, il faut pas nous chagriner. Et nous qui sommes au cabaret, il faut pas que nous fâchions la yété. En revenant du cabaret, on trouve la porte fermée. À la fenêtre, il faut toquer. Si dehors tu veux me marcher, Catherine ou Anne-Marie, ouvrez-moi, je vous en prie. Catherine ou Anne-Marie, ouvrez-moi, je vous en prie. De la fenêtre, on vous répond, vous n'êtes que des sous-lons. Vous tournez par tous les chemins pour avoir un verre de vin. Allez donc se faire ailleurs pour rentrer, ce n'est plus l'heure. Allez donc se faire ailleurs pour rentrer, ce n'est plus l'heure. C'est les filles, c'est les filles des grandes soyottes qui faisaient au beignet. C'est les filles des grandes soyottes qui faisaient des au beignet. Ma fichotte m'a mis en feu. Béni soit ce feu de joie. Ma fichotte m'a mis en feu. Béni soit ce feu de joie. Shibari, Shibara, on dit qu'elle est malade. Shibari, Shibara, on dit qu'elle en mourra. Shibari, Shibala, on dit qu'elle est malade. Shibali, Shibala, on dit qu'elle en mourra. Kéo Tribote, donc groupe du secteur de Gérardmer initialement, et puis que nous remercions déjà pour interpréter notre générique, les grandes gueules, générique de l'émission Les Vos Samedi, dans laquelle vous vous trouvez présentement. Et eh bien, nous allons justement nous quitter après avoir fait un grand merci aux deux techniciens sans lesquels effectivement notre voix est la voix, par exemple de Madame Curti qui nous parlait de la fête des gens qui ne pourraient pas vous parvenir, à vous auditeurs des Vos Samedi. Eh bien, un grand merci à Thomas sur RCN, Radio Carême Nancy. Un grand merci également à Marcus. Alors, c'est presque... disons qu'il sera déjà sous d'autres cieux. Bon vent, Marcus, donc, qui ne sera plus sur Guémouzo. Et à qui nous souhaitons, eh bien, bonne continuation, là où ses pas et ses rêves le dirigent. Allez, et puis bon vent à vous aussi. Bonne jonquille à vous aussi, auditeurs des Vosges Samedi. À la Mirabelle, ils se sont damnés, c'est leur carburant vital. Pourtant, on n'en fera pas des centenaires, car quand ils grimpent sur mes mers, ils assurent comme des malades. Et y'a que le soir après le boulot, le brame du Vosgien fait de l'écho, pour le plus grand plaisir des dames. Que les Vosgiennes sont belles, comment ne pas être excitée.